dans les Mechtas, c'est des petits villages qui sont qui étaient dans les en campagne, près de Rio Salado, des pays comme ça, dans l'Oranie, parce que j'étais toujours en Oranie à cette époque-là. Et alors un jour, je suis parti en patrouille et j'avais très mal aux pieds parce que j'avais un soulier qui me faisait mal. Et la veille, d'ailleurs, j'avais dit, j'irai voir le responsable de l'équipement, un sergent Fourier, on appelle ça. Je vais me faire changer mes souliers. Puis, ben, j'ai pas eu le temps. Et je suis parti donc faire cette patrouille. Et alors, ça consistait à quoi, en fait? On marchait, chaque patrouille marchait le long du village, parce que finalement, les Mechtas, les villages, c'est une rue avec leur espèce de bicoque, là, à double plan. Parce qu'en fait, alors on rentrait, on filait un grand coup de pied dans la porte, on rentrait dans la Mechta, enfin. Et puis, comment dirais-je, c'était une grande pièce, dans le fond il y avait une espèce de foyer, et puis il y avait un truc à double plan où il y avait les couvertures, etc., puisque c'était tout ce qu'ils avaient.